Nanimaki te di koko, soki o koki o tikanga boye. Na ye kota la yo, balo bilanga, yo okei, o tike linga, mwa mokanda, ebisi e payo zalingo mawa. Nga na tangie, na monie, distanso yango, ezalanta taxi, e komi avion, ile tango ile. La vie, et pananga eza yetina. Oh la vie, oh la vie, et pananga eza yetina. Bébé, oh mama, il est là, monte maillot, ce ça est pas il a yo. Bébé, oh mama, il est là, la sala ni ni posonga no ki. Tikana lela, attends, poinga ye, golongwena no na monte Mateo. Bébé, oh mama, il est là, la sala ni ni posonga no ki. Tikana lela, attends, poinga ye, golongwena no na mote Mateo. Bébé, oh mama, il est là, mote manio se za e paina yo. Bébé, oh mama, il est là, la sala ni ni posonga no ki. Canalela, hasta hoy engañé, o lo buena no, namote Mateo.